Nous confondions d'une part la démocratie avec le capitalisme, ce qui décréditait les valeurs démocratiques, et deuxièmement, nous confondions l'Occident à l'impérialisme. Et ça, c'est quand même plusieurs erreurs, puisqu'il n'y a pas un Occident. Et l'Occident démocratique n'est pas réductible à l'impérialisme. Donc, toutes ces erreurs théoriques nous ont amenés à commettre une alliance objective avec les forces islamistes, les khoménistes à l'époque. Et c'était une erreur fatale, puisque après, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à déclarer que toutes les personnes ou tous les groupes qui n'étaient pas avec eux, c'était des ennemis du peuple. De la place de l'allié, on a été mis à la place de l'ennemi. Et il y a des milliers de gens qui se sont trouvés, des centaines de milliers en prison, et il y a des milliers qui sont partis en exil, dont moi. La cérémonie s'achève par le défilé après le cri repris trois fois de Dieu est grand, à bas l'impérialisme et mort à l'Amérique.